Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était en 1976, à l'occasion d'une projection de chronique d'Anna Magdalena Bach. Dans Le cinéma des cinéastes, Jean-Marie Straub racontait ce que fut sa découverte tardive du cinéma dans sa Lorraine natale après-guerre, ses jeunes années de cinéphile, du ciné-club qu'il animait à Metz, à ses années parisiennes dans le sillage des jeunes critiques des cahiers du cinéma. Le choix que fit en 58 Jean-Marie Straub de ne pas faire la guerre en Algérie, choix d'insoumission et d'exil, détermina le cours que prit alors la vie de cinéaste qu'il commençait à peine avec Daniel Huillet. Une vie de cinéaste plus européenne, plus internationaliste et plus indépendante qu'aucune autre, mais dont il ne masquait pas les quotidiennes difficultés matérielles. Rejoints en fin d'émission par Daniel Huillet, ils expliquaient ensemble ce qu'était la méthode et la nature de leur travail cinématographique, dont l'importance, pour quiconque s'est un jour sincèrement intéressé au cinéma, est inversement proportionnelle à l'audience qu'on lui aura accordée. À la fin de l'émission, en deux mots, Jean-Marie Straub disait ce qu'est, ou plutôt doit être, selon lui, le cinéma. Ces mots, très simples et très beaux, indiquent peut-être bien que c'est d'abord dans sa puissance poétique qu'il faut chercher l'essence de leur cinéma, si souvent décrit comme austère et dogmatique. D'une génération à l'autre, au gré des variations de leurs tendances, les cahiers du cinéma ont toujours veillé à ne pas perdre de vue les Straub. Comme si le fer revenait à perdre le nord, à renier la famille et ses glorieux ancêtres, ou pire, à renier le nom même de la revue. Samedi 6 mars 1976. Rue Colbert, à Nantes. Dans la salle où se déroulent les rencontres cinématographiques, je retrouve Daniel Huillet et Jean-Marie Straub. Nous allons reprendre une conversation qui se déroule entre nous depuis 22 ans. Une conversation fréquemment interrompue, mais toujours poursuivie. Je ne suis donc pas neutre à leur égard, et j'ai du mal à les considérer avec toute la distance souhaitable. Mais je ne pense pas avoir surestimé leur travail, puisque leur film, malgré des sorties confidentielles dans les circuits d'art et d'essai, captive aujourd'hui, de rétrospective en rétrospective, un public jeune et terriblement exigeant, qui situe les Straub avec Jean-Luc Godard à l'extrême pointe du cinéma d'aujourd'hui. Après Stuttgart, Metz, Lyon, après une longue tournée dans les universités américaines, les spectateurs nantais ont pu voir à leur tour, non réconciliés, la chronique d'Anna Magdalena Bach, Othon, Leçon d'histoire, Moïse et Aaron. Philippe Jalado, animateur des rencontres cinématographiques, nous dit ce que représente à ses yeux le cinéma selon Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Leur influence, peut-être, on peut dire, dépasse leurs films, parce que tous les films ne sont pas vus. Moi, personnellement, il y a eu plusieurs rencontres, en quelque sorte, entre les Straub et moi. La première rencontre, c'était véritablement une rencontre filmique en 1966, si je ne me trompe pas, avec Niger Zunt. Ça a été vraiment un choc. Et puis, ça a continué d'une manière assez souterraine, ça a poursuivi son chemin. Et puis après, il y a eu des rencontres qui n'étaient pas filmiques, des rencontres de textes, d'interviews, de personnes que je connaissais. Et puis, parce que les Straub, faut bien dire, suscite des passions très contradictoires. Et alors, c'est un peu comme Godard, quand il est venu à Nantes, il y a eu des débats absolument passionnés et passionnels. Eh bien, dans le même cas que Godard, je crois que les idées poursuivent leur chemin à travers le monde, comme ça, par le texte, par des gens qui en parlent à d'autres gens. Et on ne comprend pas pourquoi, mais effectivement, mais c'est ainsi. Pendant que Daniel Huillet surveille depuis la cabine la projection de la chronique d'Anna Magdalena Bach, je pose à Jean-Marie Straub ma première question. Alors, Jean-Marie, je vais te poser une question que finalement je ne t'ai jamais posée. C'est... le cinéma, ça commence quand pour toi? Je veux dire, ta rencontre avec le cinéma, est-ce que ça a une importance? Je veux dire, dans ton enfance, dans ton adolescence, est-ce que ça a une importance pour toi de... Tu te souviens des premiers films que tu as vus ou du rapport que tu as eu comme ça, effectivement, directement avec le cinéma, à une époque où la sensibilité joue quand même beaucoup. Je veux dire, on voit des films et ça vous frappe beaucoup. J'ai commencé à voir des films très tard. Parce que ma famille, comme sa petite bourgeoise, c'était D'abord, c'était pendant la guerre, on était occupé par les Allemands, on était considéré comme appartenant au Troisième Reich à Metz. Et par conséquent, il y avait des films nazis, donc on n'allait pas dans les cinémas, c'était une forme de protestation politique. Et ma mère disait toujours qu'il ne fallait pas y aller parce que ça sentait la graisse de cuir qui servait à graisser les bottes à tiges. Parce que l'armée allemande, elle avait passé son temps dans les cinémas. Bon, et puis les films nazis, on ne voulait pas les voir. Et puis dans ce rush, je ne savais pas un mot d'allemand. Et alors, les premiers films que j'ai vus, c'est très tard. J'étais plus très jeune, c'était après la guerre. Je crois que le premier film que j'ai vu, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains, qui ne m'a pas intéressé, dont j'ai aucun souvenir. Sauf que la sorcière m'a fait peur, évidemment. Quand on interroge des gens comme Truffaut ou Demy, ils parlent d'une espèce de fascination à peu près totale, surtout Demy, je veux dire, c'était Blanche-Neige précisément a été un événement considérable dans sa vie, puisque non seulement il a vu le film, mais par-dessus le marché, il l'a monté en marionnette chez lui. Après, je veux dire que c'était l'idée du spectacle, l'idée du rideau qui s'ouvre, l'idée de la magie, l'idée de tout. Est-ce qu'à une période de ta vie, ça a été sensible, ce côté féerique du Non, cinéma? pas du tout. Non, Jamais. pas du tout, non. Pas du tout. Cette réponse est très importante, car elle marque d'emblée, me semble-t-il, la frontière entre les films de Straub et tout un cinéma de projection-identification qui a régné et qui règne encore depuis plus de 70 ans. Je crois que les premiers films que j'ai vus, faut le dire, pourquoi pas, je le dois à Henri Hagel. Je le dois à Henri Hagel parce que nous avions à Metz un ciné-club que j'ai pas fondé mais que j'ai repris ensuite, qui s'appelait La Chambre Noire. Bon, ils faisaient venir des gens pour présenter certains films, et ils ont fait venir entre autres Henri Hagel pour présenter des films de Grémillon. Je crois que c'est les films que j'ai vus, les premiers films que j'ai vus sont, et que j'ai, où j'ai découvert ce que ça pouvait être un film, c'est Remorque, Le ciel est à vous, voilà. Je crois que le premier film, les deux films suivants que j'ai vus d'auteurs différents consciemment et après les films de Grémillon sont La partie de campagne, qui m'a beaucoup impressionné, et Les Dames du Bois de Boulogne. Et on l'a vu, je l'ai vu avec le fondateur de la Chambre Noire, et j'en ai parlé après autour d'un pot, et il m'a dit, bon, alors, comme ça te plaît, et que ça t'a impressionné, ça t'a touché, et que tu en parles, comme ça, tu vas le présenter. J'ai dit, oh, moi, je peux pas présenter un film, mais bon, et puis il m'a forcé à le présenter, voilà. Tu te souviens vaguement de ce que tu as pu dire? Moi, bon, j'avais lu une seule chose, parce qu'on rassemblait une petite documentation, j'avais lu l'affiche de l'IDEC sur le film, et j'ai fait une présentation qui allait absolument contre l'affiche de l'IDEC, où ils escamotaient la fin. Où ils escamotaient la fin, bon, ça se terminait dans l'horreur, et moi, j'ai essayé de remonter le courant et de montrer que cette fin faisait partie intégrante du film et que l'horreur, justement, était rompue à ce moment-là. Mais parallèlement, je veux dire, le cinéma n'était pas. Que c'était pas seulement l'histoire d'une femme qui se venge, mais qu'elle était frustrée de sa vengeance. Voilà. Et parallèlement au cinéma, je suppose que il y avait la littérature, enfin. Un certain nombre d'écrivains, certainement, et déjà beaucoup la musique. La musique, très peu, non. Très J'étais peu. inculte, très inculte. Et bon, formation littéraire, humaniste, zéro, aucune culture musicale. Et mes parents complètement étrangers à la musique. Donc, déjà à la maison, pas du tout l'occasion de découvrir la musique. Jamais de concert. Maintenant, mes parents, ils vont de temps en temps écouter de la musique, mais pendant ma jeunesse, c'était pas le cas du tout. Non, non, j'ai découvert la musique grâce à un ami qui est François Louis, qui est un mathématicien qui travaille au CERN à Genève, et dont nous avons repris un morceau une partie d'un ces morceaux de musique. Il jouait du clavier et de l'orgue et du piano, et c'est par lui que j'ai découvert Bach. Il a ensuite composé deux, trois petites choses, et il y a une, entre autres une pièce pour orgue qu'on a repris dans Marocamouf. On a repris quelque chose dans Marocamouf. Et ça, c'est venu même presque après la découverte de Grémillon, Renoir et Bresson. En tout cas, pour ce qui concerne... J'ai fait un certificat de littérature française à l'université de Nancy. Puis j'étais en Hippocagne au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Et après quoi, c'est Paris? Je suis arrivé à Paris en 54. Je sais exactement quand, c'était en novembre 54. Novembre 54, je suis arrivé là, boum, sur le lycée Voltaire, où on s'est connus du reste. C'est et ça. Où j'ai rencontré Daniel. Et c'est alors, autour de ces années-là, un peu avant, et surtout cette année-là, quand, étant à Paris pour ça et ayant plaqué rapidement le lycée Voltaire, j'ai fait venir des gens à Metz pour présenter des films. Parce qu'à ce moment-là, la Chambre Noire s'était pas mal développée. On avait plus de 700 adhérents. Bon, on n'avait jamais 700 personnes, mais parfois... On a présenté la dernière, enfin on a eu la dernière projection publique de, par exemple, de Monsieur Verdou à l'époque, avant que le distributeur retire le film. Et cette année-là, on a fait venir à Metz des gens qu'on avait choisis, dont on pensait qu'ils présentaient le mieux certains films, par exemple Truffaut pour parler d'Under Capricorn. Les Amants du Capricorne. Oui, de notre film d'Hitchcock. Bazin pour parler, pour présenter Le Journal d'un curé de campagne ou Farbik de Rouquier. Le principe de la Chambre Noire, par opposition à l'autre ciné-club qui s'appelait le Ciné-club de Metz, qui était donc affilié à la Fédération française du Ciné-club, c'était de présenter des films différents, justement ceux que ne présentait pas, ne programmait pas la Fédération française du Ciné-club. La Fédération française du Ciné-club programmait Marcel Carné davantage, c'est pas exclusif, mais davantage Marcel Carné, De Sica, etc. Nous, c'était Rossellini contre De Sica, Renoir contre Marcel Carné, et on projetait des films qui ne sortaient pas en circuit commercial à Metz, et qui, justement, comme les films de Bresson, qui n'étaient pas au catalogue de la Fédération française du Ciné-Club, ou des films d'Orson Welles, la Fédération française du Ciné-Club, il y avait même un partage à l'intérieur des auteurs, présentait Citizen Kane, nous présentions La Splendeur des âmes Bersonnes. Et nous présentions Hitchcock, alors que Hitchcock, à l'époque, les gens le considéraient comme un petit plaisantin et fini. Et jamais un film d'Hitchcock, sauf peut-être les 39 marches où une femme disparaît, était dans le catalogue distribué par la Fédération française des ciné-clubs. Au contraire, nous présentions Hitchcock américain, nous présentions Fritz Lang américain, Rancho Notorious, etc. Mais c'est pas venu en un jour, je veux dire, c'était pas seulement pour s'opposer à l'autre ciné-club, c'était pas par esprit de contradiction. C'était pour donner au public messin l'occasion de ne pas doubler le ciné-club. C'est pas par esprit de contradiction, c'est parce que on avait découvert que Fritz Lang américain, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient à ce moment-là, et même des gens que j'estimais comme Sadoul, c'était aussi important que Fritz Lang allemand, et que Rossellini c'était plus important que De Sica, et que Mizoguchi, dont on a présenté les premiers films sortant en Europe, c'est celui qui pour moi actuellement est le plus grand cinéaste, des choses comme ça. Et le Hitchcock américain, c'était au moins aussi important que Hitchcock anglais, etc. Mais c'est un travail qui s'est fait vraiment, alors là je dois le dire un peu orgueilleusement, parallèlement au travail que faisaient les nouveaux venus à l'intérieur des cahiers du cinéma, c'est-à-dire Rivette, Godard, Truffaut, etc., Chabrol. Ce truc déjà un peu avant, Lénard, oui, et un peu avant. Oui. C'est ça. Ça, c'est un travail, bien entendu, on a profité de leur travail, mais notre travail était parallèle, vraiment. Parallèle, et il s'est trouvé qu'il a convergé. C'est à un certain moment, il a convergé, il s'est recoupé, et là, bien entendu, il y a eu des échanges. Et à un certain moment, il y a même une petite notule dans les cahiers, sur, très, très bref, sur la Chambre Noire, Ciné-Club, très cahier du cinéma, etc. J'étais à la fois fier et un peu honteux, parce que, bon... Alors, est-ce que tu penses que, on n'a pas parlé de la littérature, on a dit simplement que tu avais fait des études littéraires, mais il se trouve que Il y a des écrivains dont tu nous parles. À l'époque, je me rappelle qu'en sortant d'une projection de Ballet Masque, tu m'as parlé de Bernanos, par exemple. Et que la dimension morale et métaphysique qu'on découvrait à travers toi, finalement, à travers les cahiers chez Hitchcock, tu nous parlais de Dostoïevski. Enfin, je crois que c'est toi qui nous as parlé de Dostoïevski. Oh, mais là, j'ai beaucoup changé. Bon, Bernanos, je le lisais à l'époque, je le découvrais beaucoup et ça... Plus que la dimension métaphysique, c'était la dimension pamphlétaire aussi. Pas seulement, mais bon, parce qu'un roman comme Monsieur Wynne, c'est une chose, en effet, qui n'a pas une dimension pamphlétaire, ou pas d'abord. Bon, mais pour ce qui est de Dostoïevski, par exemple, sans doute j'avais lu Dostoïevski, mais je considère maintenant que je ne l'ai pas lu. Parce que alors là, j'ai découvert quelque chose que je pense qu'il faut dire radicalement, c'est que. La culture, ça consiste pas à avoir tout lu, ça consiste à lire des choses, et surtout pas à lire des traductions. Maintenant, je prends un roman de Dostoïevski, au bout d'une demi-page, ça me tombe des mains, parce que je sais très bien que ça n'a aucun rapport avec l'original, il n'y a plus le rythme, en dehors même des mots. Parce que j'ai vu ce que c'était des traductions, j'ai vu ça de près, j'ai contrôlé la traduction officielle française aux éditions du Seuil des Deux Sacrements, le roman qui s'appelle Les Deux Sacrements en français, qui s'appelle Billard, à 9h30 de Heinrich Böll, dont est tiré Nicht Forsen, notre premier long métrage, c'est un nom réconcilié. J'ai vu quel travail c'était. J'ai vu par exemple qu'une phrase comme Wer und Waffen, qui sont deux mots, qui est un souvenir ou quelque chose qui saute à la figure du portier de l'hôtel, il voit arriver Nettlinger, il pense Wer, ou il croit entendre, et en même temps il pense Wer und Waffen, deux mots dans Böll. Séparé par une virgule, traduction du Seuil. Une histoire de résistance. Or, Wehr und Waffen, ça veut dire défense et armement. Armes au pluriel, défense et armes. Ça n'a aucun rapport avec une histoire de résistance. Et plus grave que ça, tout le rythme est changé, détruit. Böll, contrairement à ce qu'on fait, ce qui est courant et ce qu'on doit faire et ce qui est toléré en allemand, son roman est truffé de points-virgules. Le point-virgule en allemand, ça n'existe pratiquement pas dans l'usage, on ne l'utilise pas. Et là, tous les points-virgules avaient sauté en français. Alors qu'en français, c'est absurde. Le point-virgule est plus courant et normal. En allemand, il ne l'était pas. Böll l'employait. Des pages entières avec des points-virgules et un point seulement à la fin de la page ou quelque chose comme ça. Là, on retrouvait un rythme détruit, plus de points-virgules. Dans le meilleur des cas, des virgules, la plupart du temps, des points où tout est sectionné. Bon, et j'ai découvert aussi ce que c'est que les traductions de Brecht, en comptant la traduction des affaires de M. Jules César, publiée par l'Arche, dont est tiré Leçon d'histoire, et ça c'est un roman de Brecht, des affaires de M. Jules César, et j'ai découvert que ça n'avait... Même des fois des lignes entières sautées, ça vient du fait que les traducteurs sont mal payés ou qu'on pense qu'une traduction, ça ne doit pas être littéral, ça doit être créer des équivalents, ce que je sais. Et ça va très loin même, pas seulement comme ça au niveau du rythme, des mots, du ton, ça va jusqu'à des phrases sautées en effet, et à des falsifications. Par exemple, le texte que nous avons cité dans notre court-métrage d'introduction à Schoenberg, de Brecht, qui la dernière phrase, c'est « Wenn das Monopol nur noch durch offene Gewalt geschützt werden kann », ce qui veut dire en français « lorsque le monopole ne peut plus être protégé que par la violence ouverte », traduction officielle de l'Arche, « la dictature ouverte ». C'est monstrueux. Alors, c'est pour te dire que, bon, maintenant, je considère que j'ai pas lu Dostoïevski, j'ai eu un pâle reflet. Et je crois que la culture, ça consiste... Moi, j'ai vu une fois un homme cultivé, c'est un paysan en Ligurie. Il sait la Divine Comédie par cœur. Il a 70 ans, c'est un militant politique, paysan. Il a participé à la lutte armée dans la Résistance. C'est un militant politique dans son village, dans son travail. Il sait la Divine Comédie par cœur, intégralement. Celui-là est cultivé. La bourgeoisie qui a lu Karl Marx en français ou en italien, Dostoïevski en anglais, etc., et Corneille en espéranto, n'est pas cultivé. Il vaut mieux avoir lu un texte de sa langue maternelle et le connaître intégralement. Là, on peut découvrir autre chose. Et ça, on a une culture en profondeur que d'avoir tout lu, tout vu, comme Arias de la Bruyère. tout lu, tout vu, tout entendu. Arias a tout lu, tout vu, tout entendu, est un homme universel et il se donne pour tel. Ça, c'est la bourgeoisie, c'est pas la culture. Ouais, moyennant quoi, lorsque il se trouve qu'on parle à la sortie des projections dans les bistrots, restaurants universitaires, graduellement, de jour en jour, tu nous amènes voir des films qu'on n'aurait pas eu l'idée de voir. Par exemple, je sais pas, un jour tu m'amènes voir un film d'Ophuls, alors que la critique d'Ophuls était viennois, pesant, rococo, sans intérêt. Et tu nous dis, non, il faut voir. Tu nous dis même pas pourquoi, d'ailleurs. Et on va voir ces films avec toi. Et de temps en temps, tu nous dis trois mots, rien de plus, dans un langage généralement très très simple. Sans érudition aucune, sans... C'est parce que j'ai jamais su articuler. J'ai un mal fou à aligner deux idées claires. C'est pour ça que lorsqu'on fait des films, nous deux, on fait un travail de clarification énorme et que, ayant une pareille confusion dans la tête, dans la vie, où on a une telle difficulté à arriver à aligner deux idées claires, quand on fait un film, on essaye de faire quelque chose qui est le contraire, enfin, qui a le maximum de clarté. Mais c'est-à-dire, curieusement, là où je voulais en venir, c'est-à-dire que y a une chose que tu m'as dite là récemment, c'est-à-dire que et qui correspond aussi à ce que tu me disais à l'époque, disant moi je ferai pas de film, moi je suis un intellectuel, je ferai peut-être de la critique. Mais ou c'est de la vrai, je suis venu à Paris là comme ça. Concours de l'IDEC, je ne savais pas bien pourquoi, c'était plutôt un moyen pour que mon père continue à me donner, à l'époque il me donnait seulement 20 000 francs par mois, pour payer une chambre et pouvoir voir des films en tant qu'étudiant, parce que j'étais inscrit à la Sorbonne parallèlement, j'y ai pas été beaucoup. Et voir des films, mais j'avais pas du tout l'intention d'en faire. Je voulais écrire en effet. Puis ça s'est pas fait parce que j'étais incapable d'écrire et je le suis encore plus maintenant. Un grand événement avant la découverte de Brecht sur les planches au Berliner Ensemble à Berlin-Est, quand j'ai quitté la France, c'est-à-dire entre 58 et 60, j'étais pas mal à Berlin-Est. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour la suite, pour le travail. Et c'était la découverte de Brecht jouée au Berliner Ensemble. À ce moment-là, on sentait encore la marque de Brecht. Il n'était pas mort depuis si longtemps. Et les mises en scène, etc., n'étaient pas encore ce qu'elles sont devenues maintenant. Ça m'a impressionné énormément. Et un événement semblable, mais singulier, isolé, précédent, ça a été un jour à la Sorbonne, là aussi tout à fait par hasard, parce que j'allais jamais voir des choses comme ça, ni j'allais rarement à Sorbonne. J'ai vu Don Sanche d'Aragon jouer là dans un amphi, sans décor pratiquement, quelques costumes, par un groupe, je sais même plus, j'aimerais bien savoir quels étaient ces gens, ce qu'ils sont devenus, je sais même plus qui c'était ni comment ils s'appelaient. Don Sanche d'Aragon, qui est une comédie héroïque de Corneille, qui a été pour moi un feu d'artifice, enfin... Dans ton goût pour le cinéma américain de l'époque, et pour certains réalisateurs, je veux dire que des gens comme Brooks, qu'on découvrait un peu à l'époque, et je sentais bien le lien entre Bernanos, Corneille, une certaine idée que le cinéma américain donnait de l'homme, de la démocratie, du courage, et une certaine idée héroïque de l'homme qui était la tienne à l'époque, je pense. Ou alors je grossis beaucoup. Peut-être, oui. Ouais. Là, j'ai beaucoup changé. Je ne crois plus en l'homme. Je pense que l'homme n'existe pas. L'homme universel n'existe pas. Il y a des classes sociales. Ça, j'ai découvert dans mon travail et dans mes expériences. Dans mon travail, pas du tout d'une manière abstraite. Et bon, je ne crois pas à l'homme universel ni à l'homme éternel. Si j'y ai cru, j'y crois plus. De Georges Bernanos à Bertolt Brecht, le pas franchi est considérable. Mais Straub lui-même n'a pas changé. C'est le même intraitable rebelle que je retrouve en face de moi. Un rebelle qui, contrairement à l'immense majorité des cinéastes de sa génération, ne se trouve pas intéressant lui-même comme sujet de film. Bon, alors là, en effet, je crois qu'on y est. Je m'intéresse pas du tout à ma vie privée, à ma biographie. Je m'intéresse à ma vie privée pour les expériences et les rencontres que je fais, et la violence à laquelle je me heurte et la résistance qu'on est obligé d'avoir, ou les découragements qu'on a, etc. Bon, les expériences qu'on fait concrètement à la société dans laquelle on vit, ça m'intéresse, mais pas à ma biographie personnelle en tant que telle. De même que je m'intéresse encore moins à des petites idées que je pourrais avoir. Hein. Ça, c'est fini, peut-être ça m'intéressait quand j'étais adolescent, comme tout le monde, mais... Alors, j'y crois pas du tout à mes petites idées. C'est ça qui m'oppose, qui opposait nos premiers films aux premiers films ou à la période médiane de Godard, qui était pleine dont les films étaient pleins, c'est très important du reste, mais moi ça m'intéresse pas de le faire, parce que d'abord il l'a fait, plein de petites idées de réflexion personnelle. Ce qui m'intéresse en effet, c'est lorsque je fais une rencontre d'un texte fort qui me résiste, avec lequel j'ai des difficultés, de lutter avec ce texte et de communiquer ensuite sous forme de film le résultat de mon travail et de réflexion sur ce texte aux gens, parce que si je pense que ce texte était fort et important pour nous, ça devrait être aussi intéressant et important pour d'autres gens. Et en plus, si tu veux, il y a là une tactique, disons, que Rivette a appelée en voyant Othon léniniste, consiste à, par rapport à la culture bourgeoise, c'est-à-dire une tactique d'expropriation et de proposition à des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer un texte de Corneille, de leur faire rencontrer un texte de Corneille. Ouais. Ou à des gens qui ne vont jamais à l'opéra, de rencontrer le texte musical de Moïse Aron, par exemple. Ouais, des gens qui ont toujours entendu mal ou pas entendu du tout la musique de Bach et qui brusquement l'entendent jouer comme tu penses qu'elle doit être jouée. Ça oui, et aussi des gens, c'était pas une provocation seulement ni comme ça, une rigolade. Je pense que le Bach, on l'a vraiment rêvé pour les paysans bavarois, si tu veux. Parce que là, ils découvrent quelque chose de leur passé et ils découvrent une musique qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir sans ça. Ou alors, édulcorée et sans contexte. Mais pas du tout pour, au point de départ, pour la bourgeoisie qui fréquente les concerts avec la musique de Bach. Après la projection de la chronique d'Anna Magdalena Bach, Jean-Marie Straub répond aux questions du public. Bon, alors d'abord la question toute bête, pourquoi Bach ? Pourquoi Bach ? Parce que ça permettait de faire un film, d'abord parce que Bach, pour moi, c'était une découverte importante et je voulais en faire part à d'autres gens, à des gens qui ne vont pas au concert, et leur faire partager une découverte qui avait été importante pour moi. Et puis, simplement parce que Bach, c'est la fin de la civilisation chrétienne occidentale. 1750, c'est la rupture en Allemagne. C'est là commence quelque chose. Mais par rapport à Schoenberg, justement. C'est une époque où qui ne doutait pas d'elle-même. Oui. Ouais. Par rapport à Schoenberg, comment situez-vous Bach, justement ? Par rapport à Schoenberg, je ne sais pas, il y en a un qui est mort en 1750, né en 1685. Là, par ça. Et il y en a un qui écrivait de la musique à cette époque-là, et c'était un homme enraciné, par conséquent, il écrivait de la musique baroque. L'autre est un monsieur qui a un beau jour inventé et fait une petite révolution musicale qu'on appelle le dodécaphonisme, mais qui néanmoins se déclarait très enraciné dans la tradition musicale, et il tenait beaucoup. Oui. Bon, là, il y a une double contradiction. Ce qu'il y a en commun, c'est que leur musique, leur travail musical, leur partition comporte à tous les, pour tous les deux un même... Enfin même, ça ne veut rien dire, mais ils vont aussi loin, un même degré dialectique, disons. Leur tissu est aussi serré et aussi dialectique. En parlant de Bach et de Schoenberg, Jean-Marie Straub dévoile ses propres ambitions. Ne cherche-t-il pas lui-même à tisser dans ses propres films ce réseau extraordinairement serré de propositions et de résistances, ce mouvement de navette dialectique, comme il dit, qu'il se refuse pourtant énergiquement à considérer du seul point de vue de l'art? Disons que, bon, peut-être que ça vient du fait que le cinéma, j'en suis arrivé à un point où je considère que ça n'existe pas et ça n'est pas intéressant. Le cinéma n'existe pas en soi, n'est pas un langage. Le cinéma est un instrument d'analyse et c'est tout. Et ça ne doit pas devenir une fin en soi, même pas sous prétexte d'écriture. Et ça doit être un instrument d'analyse ou de lecture ou d'analyse d'une... situation. Alors que tu as eu la tentation de la fin en soi du langage, tu as eu, à cette époque-là, j'entends bien, tu as eu la tentation de le considérer comme, ou bien je me trompe? Oui, peut-être. Ouais. Bon, on découvre quelque chose, on découvre un instrument, on croit que cet instrument est autre chose, et ça c'est un fait. Et puis... secrètement, je te vois écouter du Bach. Je t'entends dire qu'il faut qu'il soit joué au clavecin et que les partitions pour le clavecin jouées au piano sont une abomination. C'est technique, ça. C'est comme le cinéma. Un film, ça n'existe pas en l'air. C'est pas quelque chose d'éthéré. Une prise de son, c'est quelque chose de précis. Une projection d'un film, si la projection ne vaut rien, le film n'existe pas. Les gens ne voient pas un film, ils voient un reflet d'un film. Et de même pour la musique, quelqu'un comme Bach qui était un technicien, pas seulement, mais en tant que musicien, un technicien, imaginait des partitions pour... Il y a une façon de toucher une note de clavecin qui n'est pas du tout... et puis la corde n'est pas... Dans un cas, elle est pincée, dans l'autre cas, elle est frappée. C'est pas du tout pareil. Et on peut pas indifféremment... de même qu'un orgue romantique, ça ne veut rien dire pour jouer du Bach. Bon, alors cette époque-là, je t'entends parler de Bach. Je pressens à des confidences que tu as l'intention de faire quelque chose d'après la chronique d'Anna Magdalena Bach. Tu dis à l'époque que c'est du délit. Mmh. Ouais. Et puis, c'est du délit écrit par une Anglaise nommée Esther Meynell en 1933, d'abord anonyme et ensuite sous son nom, voilà, pour que les gens... Bon, alors... en anglais. Donc, je devine qu'à ce moment-là, tu as l'intention de faire un film, et normalement, le Bach film, comme tu dis, comme vous dites, Daniel et toi, Daniel est en train actuellement de vérifier la projection précisément de la chronique là-haut, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous là maintenant, mais j'espère bien l'avoir tout à l'heure. Donc, le Bach film aurait dû être votre premier film. Oui, c'était notre premier projet. Et c'est ça qui fait que je suis tombé dans un piège, simplement. Parce que c'est ça qui j'avais ce projet. J'avais ce projet et bon, ben, le piège, je le dois à Bresson. On peut le dire, il faut le dire. Je le dois à Bresson parce qu'un beau jour, j'ai écrit une petite lettre à Bresson lui disant il y aurait là une possibilité de poursuivre une tentative que vous avez faite sur un texte littéraire. Un travail sur un texte littéraire, c'est le genre de curé de campagne, en partant au Cantal un texte musical. J'ai une idée de film. Et il m'a répondu assez vite, il m'a dit téléphonez-moi un jour entre 14h et 14h30. Je lui ai téléphoné, je l'ai vu quelques jours après. Et il m'a dit qu'est-ce que c'est. J'ai dit voilà, en quelques mots. Il m'a dit mais alors c'est votre sujet, donc c'est vous qui devez faire le film. Et là j'étais tombé dans un piège. Voilà. Bon. Un beau jour, je rencontre Daniel, c'était en novembre 54, je sais très bien quand c'était, parce que c'est la révolution algérienne qui éclate. C'est ça, oui. Et à la fin de l'année, je lui propose de travailler avec moi sur ce sujet, parce que je m'étais décidé, je m'étais dit peut-être qu'il a raison, cet homme qui me dit qu'il faut faire ça. Et comme ça m'intéressait, que je pensais que c'était important, que ce film existe un jour, ça... mais je me considérais comme l'instrument qui ferait ce film. La preuve, c'est que je l'allais d'abord le proposer à un autre. Et comme je me suis rendu compte que l'autre n'en voulait pas, et me forçait, et me disait « fais-le toi-même », faites-le vous-même, et que bon, le film n'aurait jamais existé si je m'étais pas décidé à le faire. J'ai essayé de commencer à travailler sur le sujet. Et, bon, puis seulement il a fallu, ça c'était en novembre 54, et on a fini par trouver, le film aurait pu être tourné je crois, en 58-59. Mais il se trouve qu'on a finalement trouvé le financement complet seulement pour le tourner en 67. Ouais. Là-dessus, il se trouve que la révolution algérienne agit sur ta vie d'une manière déterminante, puisque ça t'oblige à l'exil en Allemagne. C'est-à-dire que tu deviens un citoyen français insoumis, refusant de faire ton service militaire. Ça ne m'oblige pas, je choisis, n'étant pas citoyen algérien. Et approuvant néanmoins la révolution algérienne, j'ai choisi de ne pas aller combattre sous l'uniforme français contre la révolution algérienne. Et je m'en vais, voilà. En Allemagne ? Non, d'abord en Hollande. Et puis ensuite, en Hollande, parce que déjà, on avait proposé le sujet à Leonhard, qui est l'interprète principal du film, et qui interprète, disons, Bach dans le film. Et que j'avais quelques questions à lui poser à ce moment-là. Et de là, je passe, je fais le tour des bibliothèques où sont les manuscrits, à la fois en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Et comme ça, je suis en voyage pendant un an et demi. Et puis tu te stabilises Daniel, on ne tient plus le coup, et Daniel vient, et on ne tient plus le coup séparé, et Daniel vient, et on s'établit à Munich. Ça, c'était en 60, fin 59-60, et là, on continue toujours à travailler sur ce sujet et à chercher de l'argent. Et n'en trouvant pas, on rencontre deux autres sujets. Le premier des deux autres, c'est le film tourné en second, c'est le sujet de Non réconcilié. Et celui-là étant encore trop cher et ne trouvant pas le financement, le troisième sujet qu'on rencontre, c'est Maror Kamouf qui devient le premier film, parce qu'il était le moins cher. Bon, là, il y a une chose que je veux dire, parce que toi, tu n'as pas certainement pas envie de le dire toi-même, c'est que pendant toute cette période, sur le plan strictement matériel, c'est pratiquement la misère pour vous, non ? Oh ben, on a vécu vraiment à Munich pendant 10 ans avec 400 marques par mois à deux. Avec ça, il fallait payer le loyer, le dentiste, les téléphones, les voyages, et les manuscrits, et les photocopies. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que concrètement, ça se traduit quand vous allez, quand vous traversez Munich en plein hiver pour aller dans votre salle de montage, vous n'avez même pas de quoi payer votre métro. Ben, on hésite à prendre le tramway en sortant du cinéma, parce qu'on y va quand même de temps en temps. Très rarement, parce qu'on n'a pas envie de voir des films doublés. En Allemagne, à cette époque-là, ils sont tous doublés. Si bien qu'on voit même pas les premiers films de la nouvelle vague française, parce que, bon, après une expérience, on préfère renoncer. On déteste le doublage et ça n'a plus aucun rapport avec le film. Et on va, bon, de temps en temps, on va quand même voir un film comme ça une fois par mois. Et en sortant, ben, même si on a soif, on a pas le fric pour se payer un pot, quoi, c'est ça. Ou bien on est avec des amis, on va boire un pot et on peut même pas leur offrir un pot, ou bien des choses comme ça, ou bien on est obligé de plaquer des amis qui vont boire un pot parce qu'on se dit on va pas encore repayer un pot, et voilà. C'est ça qui est emmerdant quand on n'a pas d'argent. Et puis c'est quand on voit un type dans la rue qui mendie, on peut pas lui en donner, ou bon, on lui en donne et puis après on est très emmerdé parce qu'il manque des sous pour boucher des trous. Bon alors, est-ce que tu peux dire la chose qui enfin, ça suppose tout de même, enfin, vu de l'extérieur, tout bêtement, ça suppose un très grand courage, tout ça. Est-ce que tu peux dire ce qui t'anime Rien, la rage, c'est tout. Et puis le fait que 100 ans qu'on voulait nous empêcher de réaliser ce projet-là, on résiste et on se bute, c'est tout. Il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. C'est de la résistance, c'est tout. La discrétion de Daniel Villiers au cours de cette émission ne correspond qu'à sa volonté personnelle d'effacement. C'est que le travail, à ses yeux, compte infiniment plus que le commentaire. Combien de découpages t'avais fait ? Oh là, attends, le premier, hein, qu'on a complètement refait, deux, on a dû en faire trois, et le troisième, qu'on a retravaillé encore une dernière fois, un an avant de tourner, quoi. Qu'on avait laissé dormir plusieurs années, puisque on avait un mal fou à trouver l'argent pour ce film. Est-ce que le fait d'être deux vous a permis de résister mieux, puisque finalement... Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, parce que quand il y en a un qui est fatigué, l'autre l'est pas au même moment, donc c'est quand même plus facile. Et puis, quand il y en a un qui se révolte pas devant quelque chose, il y a une chance pour que l'autre se révolte, justement. Ça n'arrange pas toujours les choses, mais enfin... Parce qu'on se fait mal une idée de votre travail. Je veux dire qu'on a tendance à dire les films de Straub alors qu'ils sont signés Straub-Huillier. Enfin, c'est pas pour des questions d'attribution. Mais on se fait mal une idée de votre travail en commun. Comment ça se passe concrètement ? Ben, on travaille ensemble avant de tourner sur tous les découpages. On a toujours travaillé ensemble. C'est discuter certains trucs où moi je suis pas d'accord. Où Jean-Marie me dit d'abord non. Et puis ensuite on y revient. Et puis il y a des trucs de moi et des trucs de lui. Ça, c'est... Ce qu'il faudra quand même dire, c'est que toutes les idées des films, je crois, oui, sont de lui. Jusqu'à présent, oui. Et puis ensuite, quand on a réussi à trouver l'argent, bon, trouver l'argent, ça c'est aussi notre travail à deux. Et ça aussi c'est très utile, parce que si tu veux avoir des producteurs ou des gens de télé, etc., il vaut toujours mieux être deux. Et puis ensuite, quand on tourne, bon, alors le travail de préparation, on le fait ensemble. Le travail de savoir qu'est-ce qu'on va tourner tel jour, comment est-ce qu'on va payer les gens... discuter d'argent, etc., ça c'est un peu plus moi. Et quand on tourne les cadrages, c'est-à-dire à la caméra, c'est plutôt Jean-Marie. Et quand il y a un problème, il m'appelle, parce que moi je suis plutôt avec le son. Et pour lui, le son est très très important. Ah oui. Alors, l'idée de résistance, parce que finalement, c'est l'idée maîtresse, plus je pense à... Et au montage, c'est moi qui presse sur les boutons, qui coupe, etc., mais il est toujours là. Alors, le montage, ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on est dans une petite salle noire, généralement après avoir tourné pendant plusieurs semaines dehors. Alors là, c'est le moment des engueulades. C'est le moment des... Non, parce que vous résistez l'un à l'autre, finalement. Bah oui, pas mal. Ça peut être violent. Oui. Bien sûr. Parce que finalement, plus on voit vos films et plus on parle avec vous, je crois que mais c'est écoute, quand même... ça, je crois que c'est pas original. Ça doit être comme ça chez tous les gens qui vivent ensemble quand ça dure. Parce que... Non, je crois pas, parce que finalement, toute cette émission tourne autour de l'idée de résister à des pressions. Hein. Je veux dire que ce soit sur le plan politique, c'est-à-dire résister aux pressions extraordinairement fortes que vous avez ressenties progressivement, parce que c'est pas venu tout de suite. Quand on s'est connu à Voltaire, la politique n'était pas au premier plan, je pense. Pas pour moi, pour Jean-Marie, je crois déjà pas mal, si. Pour Jean-Marie, ouais. Il en parlait moins. La morale, disons. Non, la politique aussi. La politique aussi. Ouais, ouais. Votre longue marche politique. Et votre travail, ça s'est fait par étapes. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un moment de révélation ? Enfin, est-ce qu'il y a eu plusieurs moments de révélation importants ? Non, je crois que ce qui a été important, c'est qu'étant en Allemagne, dans une société où la violence est plus ouverte qu'en Italie ou même qu'en France, où on se heurte immédiatement à une violence incroyable, là, à partir du moment où tu résistes, tout va très vite. Hein. Tu découvres très vite tout ce que tu aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à découvrir ailleurs, non, mais attention, y compris la lutte de classe. Oui, mais enfin, ça peut apparaître comme anti-allemand, je veux dire, entre guillemets, pour quelqu'un qui nous écouterait d'une manière... C'est pas anti-allemand si on pense qu'il vaut mieux justement que les choses soient claires tout de suite. Et puis, c'est pas anti-allemand dans la mesure où, devant une pareille violence, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te permettre les compromis. Mais ça, les compromis, vous n'en avez jamais consenti le moindre. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans un pays comme l'Italie, par exemple, peut-être si on avait été d'abord en Italie sans être passé par le moulin, l'école, on appelle ça comme tu veux, allemande, peut-être que... on aurait été parfois tenté de peut-être moins résisté, je ne sais pas. C'est ça que je veux dire, en disant que c'est pas anti-allemand, si on considère que plus la violence est grande de l'autre côté, plus les chances de compromis sont nulles. Au cours d'un débat, Jean-Marie Straub a été conduit par la question d'un spectateur à exprimer le fond de sa révolte. Je peux vous dire une chose, dans la société dans laquelle on vit, aussi bien en Allemagne qu'en France qu'en Italie, qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, je me sens chaque jour un peu plus mal. Et j'ai chaque jour un peu plus envie de vomir. Et vraiment, pour moi, à ce degré-là, il y a des contradictions et des différences, mais il n'y a pas de différence de degré ni de nature entre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre et les États-Unis, par exemple. Ne partageant pas moi-même ce sentiment de dégoût, il ne me vient pas cependant l'idée d'en suspecter un instant l'authenticité. Ce qui m'a toujours impressionné dans les films, comme dans l'attitude de Jean-Marie Straub et de Daniel Huillet, c'est l'évidence d'une bonne foi que je n'ai jamais rencontrée chez personne à ce degré. Pour eux, la fonction du cinéma est claire. Écoutons-les. Un film, ça devrait aider les gens à devenir conscients, un peu plus que ce qu'ils sont, ou quand ils le sont déjà, ou à devenir conscients quand ils le sont très peu. Et pour devenir conscient, il faut apprendre à se servir de ses yeux et de ses oreilles. C'est là que ça commence, parce que l'âme et la conscience, ça n'existe pas en l'air. Ça passe par les sens. Et je ne crois pas à une conscience politique de sourd et muet, ou de sourd et aveugle. Bon, ça, c'est pas contre les sourds et muets, parce que eux, ils communiquent aussi avec leurs sens, mais d'une autre manière. Donc ça consiste à apprendre et à voir, apprendre à voir et à entendre, et à établir des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et ça consiste pour ce faire à faire des pour arriver à ce résultat, à faire des films qui sont le contraire du tapage de l'industrie culturelle ou de la société dans laquelle on vit, qui consiste à rendre les gens sourd et aveugle, c'est tout. Et à les aider, au contraire, à aiguiser leurs yeux et leurs oreilles, et à établir des rapports entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, et entre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et au-delà, naturellement, à établir des rapports entre leurs expériences et les expériences qui se recoupent ou différentes qui sont le sujet du film qu'on leur propose, soit sur l'époque dans laquelle ils vivent, soit sur un moment du passé, c'est tout. Tu aurais une autre réponse, toi ? Non, je peux répéter ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il ne voudra pas se répéter, que c'était, pour une fois c'était pas mal. Il a dit que c'était le cinéma, ça doit être une mise à feu de la vie. Est-ce que tu peux le répéter, parce que j'ai peur que ce soit resté un peu... T'as bien compris ? Ça a été un peu mangé. Hein. Il a dit une mise à feu de la vie, parce que, bon, c'est... Je crois qu'il faut le laisser comme ça, parce que ça c'est bien, parce que ça frappe, mais on peut aussi l'expliquer et après le répéter. Comme ça, là aussi, il y a un mouvement de navette. Les Italiens disent pour le point focal, faire le point sur un film, le point, c'est le fuoco, le feu, parce que c'est le point où convergent les rayons lumineux, et c'est là que ça brûle. On s'est amusé tous quand on est enfant à faire brûler du papier avec une loupe. Bon, alors le cinéma, ça consiste à mettre la vie à feu. C'est-à-dire à apprendre à la voir et à la découvrir, et la vie, et la société, et l'histoire. Voilà. Vous venez d'entendre Jean-Marie Straub et Daniel Huillet dans Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe, diffusé la première fois le 14 mars 1976. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.